Pour la haya al-Qudim, il n'y a pas de haute en religion, il ne passera pas les limites. C'est comme ça, c'est. Hein? Tu la mets à l'aise. Parce que c'est normal, la femme, elle est stressée, elle a peur, elle ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu la mets en confiance? C'est pas tu viens comme certains dans nos bleds, les bledsman, là, comme on voit. Illa marahma, arabi minhum. Ils rentrent le jour de la hâte, ils rentrent, ils claquent la porte, ils disent dans la barque, ils s'énervent contre sa femme, on prend sur la bonne méthode, et puis attends, les amis, les parents d'un, c'est tout ce que tu fais, pour la matinée, le premier jour, tu rentres, tu mets une grande claque, et tu dis, c'est moi, j'ai de la maison. Non, c'est le prophète, il ne va pas enseigner ça. C'est ça, c'est l'ignorance. Il dit, si tu veux la matinée, c'est le premier jour, le nuit de la note. Tu vas la rendre traumatisée toute ta vie. Ta vie ne sera traumatisée, cette pauvre femme. Différence, deux femmes dans le visage. C'est fini, elle va se dire jusqu'à la fin de sa vie. On dit ça parce que c'est comme ça que ça dans certaines têtes de personnes. Non, tu viens, au contraire, tu la mets en confiance, tu fais des petits cadeaux, tiens des gâteaux, tu essaies de la faire sourire, tu t'amuses avec elle, tu la réouvres, tu aimes la colorations, elle m'amène. Et dis, tu lui envoies des messages. Attention. La tendresse, le caresse, un peu plus loin, etc. D'accord? C'est ça? Et tu viens comme. Non. Le chikma, le prophète nous a tout enseigné. Une fois que ça y est, elle est en confiance, et qu'elle sait à quoi s'attendre, que c'est quelqu'un de bien, de gentil, que c'est pas quelqu'un de méchant, etc., etc. Et que tu veux avoir. Un toucher avec ta femme, le prophète a nous a enseigné ça. Il nous a dit, لما روي عنه صلى الله عليه وسلم يقول عند الجماع بسم الله اللهم جزيل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث من قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبدا. Ici, le prophète a dit, celui qui s'adresse ainsi à Dieu, son enfant engendré de cette union sera préservé de Shaitan. C'est cette dua qui a fait les choses comme correctement, qu'on parle à Wendo, c'est cette dua, etc. Si Allah vous donne un enfant dans cette union-là, Shaitan il aura tout fait sur lui, dit Allah. Un enfant vert. Un enfant, il y a une fille ou un garçon. Et c'est aussi très important. Alhamdulillah, nouveau marié, il est content. Il a eu ce qu'il voulait, ça, il est content. Alhamdulillah, là, il a donné une femme, tu es tout ça. Une chose très importante. Yuhramo, les zaoujaini, il est interdit, attention, attention, attention. Ifsha'a ma jara baynahuma min ahadith al-jima'. Il est interdit de divulguer le secret échangé entre les deux époux touchant à la relation sexuelle. Pourquoi des fois il y a des gens comme ça? Je ne dis pas Sahib al-Din. Sahib al-Din, Inch'Allah, Bibina, il connaît ces choses-là. Mais bien qu'il faut les enseigner. Il les connaît parce qu'il les a appris. Parce qu'il les a entendus. Il ne les connaît pas, il les a appris. Parce qu'il les a appris, il les a lus, il sait quelque chose. Même ceux qui ne sont pas dans le din. Il rentre. Voilà, il a. Pourquoi quand j'étais petit, je me rappelle de certaines scènes. Sans trop rentrer dans les détails. On a assisté à des mariages, on a vu comment ça se passait le lendemain. On commence à raconter tout ce qui s'est passé. Voilà, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Et puis c'est réciproque, que la femme, elle rencontre les femmes de ce côté, elle raconte ce qui s'est passé. Là, il y a du haram. Haram, il ne faut pas raconter. Ni la même ni la même. Même après. Même après. On raconte pas ce qui s'est passé. On raconte pas. Pourquoi? Parce que quand la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إن من شر الناس شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرهما متفق عليه هذه رواه البخاري ومسلم. Il n'y a rien de plus mal vu le jour de la résurrection que deux époux qui après s'être livrés l'un à l'autre se mettent à révéler leurs secrets. Il dit où il explique tout ce qui s'est passé. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واياك ان شاء الله وفيكم بارك الله.